proxénète. Groupe d'élite, 667 grand clan de proxénète. FLR, j'ai touché des bitches, ça les cuisine à la poêle. C4 sur la toile, trop de Cohen. Dans le rap, c'est la poêle, tel. Niveau technologie, chill à la pointe. HBE, ça me connaît. Dans la U5 touch, OVG, fuck les 5 flèches. On arrive en balle, fume comme un 5 mush qui lui a mort comme Saddam. Usain Boy, MK Ultra, Lionel Messi, Usain Bolt. Faut les lover vite, bitch. À quoi dans les trucks? OVG, no snitch, bitch. Y'en a plein qui nous suck, hein, qui lui a mort comme Saddam. Usain Boy, MK Ultra, Lionel Messi, Usain Bolt. Faut les lover vite, bitch. À quoi dans les trucks? OVG, no snitch, bitch. Y'en a plein qui nous suck, hein. Va 19, ça les fouette, sévère. Au Cameroun les wet, c'est fait. Ça t'est frit à la quête, direct. Décaire à l'appel, direct. Check à la sec, OVG neck. Décaire, blood, crash la la. Puis les premiers iPod, j'arrive comme personne. Jamais l'air sop, je l'ai fait faire à 8 pots. Dans ma poche, y'a 8 cônes. Sur Gizé, y'a 8 faces. NRM qui passe, le truc se fait à 8 clos. Qui lui a mort comme Saddam. Usain Boy, MK Ultra, Lionel Messi, Usain Bolt. Faut les lover vite, bitch. À quoi dans les trucks? OVG, no snitch, bitch. Y'en a plein qui nous suck, hein. Qui lui a mort comme Saddam. Usain Boy, MK Ultra, Lionel Messi, Usain Bolt. Faut les lover vite, bitch. À quoi dans les trucks? OVG, no snitch, bitch. Y'en a plein qui nous suck, hein.